tocam agora as melhores músicas em inglês. Thank you. kon nou an mi tanzye. Nou pa te sav sa pou di ni sa pou fè. Vine toupe pou pale. Mwen pa kole pale di l'amou pou nou pa regrete. Vine toupe pou koze. Fou bien nou pale di la vi, se sa ki e. Maman toujours prend un doux, tu es belle, amolie, pour moment pour chercher consolation, mener à réconciliation. En bon prêché passant les mains, moi t'es là qu'à penser tout bon moment, et puis misère passé ensemble. Pas de satou dégueuler, pas de satou dégueuler, réconcilier. Thank you. Avec tes cheveux noirs sur ta peau dorée, seulement mais qu'à flasher ou toujours garder. Oh. Thank you.

Hey, hey, Johnny.

Thank you. Flash of fire.